said, come wander with me, love. Come wander with me. Away from this sad world. Come wander with me. Le bar vient de fermer, le patron fait les comptes, tête baissée. Une dernière mélodie sort du piano comme une bête blessée. Une vieille femme médusée fume à même le sol. Allez chef, sans abuser, remets-moi la même et je sors. J'irai pas loin, c'est ce que me dit la classe, brisée de ce bar. Si pas loin c'est auprès de mes gabes, j'irai de ce pas. Je suis sali par le péché, c'est un fait. Des larmes de whisky dans un grand verre ébréché pour qu'elle me désinfecte. Ou est-ce le contraire, peu importe, la vie est comme ça moi. Je smoke comme un porc, on oublie tout ce que les hommes savent. En quelques lignes mon cousin, t'as senti le dawa. Menti la belle vie, n'a pas le goût d'un champi d'Hawaï. Ma mère, une femme de plus qui passe les Noëls sans son mari. Je vais avoir mauvaise avant que la fin de la chanson arrive. J'étais tellement loin du stress, faut entendre du Zeta. La chance d'être loin de la France dans les mains du Shaitan. On m'a dit, fune, pourquoi ne vas-tu pas vers les jambes? Je chiale seul comme une pute quand mon pote perd les jambes. Là, je te parle sincèrement, fais pas répéter. C'est parce que plein de frères manquent que je sortirai du bar répété. Je raconte ma life à un verre vide ou de glace en fonde. J'y vois un gouffre sans fond où des gars s'enfoncent. Puis les lumières s'éteignent, le pavé parle. Le pianiste joue toute la nuit, on me dira plus tard qu'il n'y en avait pas. Allez, rentre chez toi, va. Rentre pas. Alors, Pascal. Les gars, un jagger pour le pianiste, là, c'est pour moi. Le chant des hommes sous, sans regret ni remords, tourne 360 degrés ivre mort. Un bel exemple pour la jeunesse, mon père à celui qui voudra je laisse. Le chant des hommes sous, sans respect pour la vie, je prie 360 degrés ouvre la vie. Tu me trouveras la tête dans les mains, je braverai. Mais peut-être que tout ira bien demain, pas vrai? Un dernier baroud, une veille, un malheur pas lourd. La route sous mes pieds, réveillée à l'heure où le bar ouvre. Le café noir coule, sans les taches d'une rime. Regarde ce qu'on a fait de moi, cousse, je sens les taches d'urine. Celle de sang sublime, l'odeur du mal. Je détache de sang, les taches me semblent au cœur du mal. La drogue n'agit plus, hier soir ma pote au sourire. Un beau gâchis de plus, laissera la porte trop souillée. Hélas, même le diable revint quand le poison pilote. Blasphème, dira le requin sans poisson pilote. Le seul costume de mon armoire évite à penser. Des heures au stup, la mort en noir invite à danser. Un fou épuisé par la valse de nos clébards. Refoule plus tes bras, valseux de nos clébards. Bouger me fend, m'en voulait pas, les mains pourrissent. Coucher de flanc, je renfloue les pavés, ma nourrice. Nos millions d'ivresses résument l'épisode d'hier. Des opinions diverses, déçues des pissotières. Les tournées d'Jagger nous rendent le bateau vide. Tout près y'a le cœur, mourant de battre trop vite. Dehors dire mes rap, le drame de la vie me semble de l'ordinaire à 2 grammes par litre de sang. Sentir la vitre au fond du bus, est-ce la journée? Au fond du bus, quand le pianiste cessera de jouer. Le chant des hommes sous, sans regret ni remords, tourne 360 degrés ivre mort. Un bel exemple pour la jeunesse, mon père à celui qui voudra je laisse. Le chant des hommes sous, sans respect pour la vie, je prie 360 degrés ouvre la vie. Tu me trouveras la tête dans les mains, je braverai. Et peut-être que tout ira bien demain, pas vrai? He came from the sunset. He came from the sea. He came from my sorrow.